السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنت une explication de Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى du livre de l'unicité كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد de Cheikh الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Et c'est le résumé explicatif de Cheikh Fawzan Hafidahullah. On est arrivé au cours numéro 25 à la parole de l'auteur, Rahimahullah. Pour les frères qui ont la même édition que moi, c'est page 174. فَقَدْ نَهَا عَنْهُ وَهُوَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَا وَهُوَ فِي السِّيَاقِ مِنْ فَعَلَهِ وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والحديث متفق عليه. L'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, il, c'est-à-dire le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, a interdit cela alors qu'il était à la fin de sa vie, puis il a maudit alors qu'il était en train de mourir ceux qui l'ont fait. Et la prière auprès d'elle est de ce registre. Et ce même s'ils n'y ont pas construit de mosquée. Et c'est le sens de sa parole à elle. Il fut craint qu'elle soit, que la tombe soit prise comme mosquée, c'est-à-dire comme mosquée, comme endroit de prière. Les compagnons n'ont pas construit de mosquée autour de sa tombe. Et chaque endroit où on prie est appelé mosquée. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la terre m'a été donnée comme lieu de prière et comme lieu pur. Et ce hadith l'a rapporté par le Bukhari et Muslim. On a l'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, bi Allah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit: هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يوضح به ما تدل عليه الأحاديث السابقة في الباب. Cette parole, ou ceci est une parole de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah رحمه الله, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire que Cheikh l'Islam, Mohammed bin al-Wahhab رحمه الله, il cite, par laquelle il explique ce qu'indiquent les hadiths précédents dans ce chapitre. Donc il faut lier ce cours-ci au cours qui était précédent. La clarification de la parole d'Ibn Taymiyyah. Tawdihu kalam Ibn Taymiyyah. Faqawluhu, faqad naha anhu fi akhiri hayatih, kama fi hadith Jundub. Waqawluhu, thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alah, wa huwa fi siyaqi man fa'alah, kama fi hadith Aisha. Waqawluhu, والصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد فقوله سشكف الضمير سيعود إلى ابن تيمية évidemment وإن لم يبنى مسجد أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد الملعون من فعله ولو بدون بناء مساجد وقوله هو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي معنى قول عائشة في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبره وقوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أي لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعله فيكون المقصود النهي عن الصلاة عندها وقوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا وقوله ولكونه أعد للصلاة وإن لم يبنى وقوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا أي وإن لم يقصد بذلك بخصوصه بل وقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه وقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا أراد به الاستدلال للجملة التي قبله حيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثناه الدليل. Donc l'auteur رحمه الله تعالى, il cite une parole d'Ibn Taymiyyah رحمه الله. Et Cheikh Fawzan, il explique cette parole d'Ibn Taymiyyah et il dit la clarification de la parole d'Ibn Taymiyyah. Et puis il va rapporter cette parole partie par partie. Il dit sa parole, il a interdit cela alors qu'il était à la fin de sa vie صلى الله عليه وسلم. Comme dans le hadith de Jundub qu'on a cité. Et sa parole, d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, puis il a maudit, alors qu'il était en train de mourir, ceux qui l'ont fait. Comme dans le hadith de Aïcha. Et sa parole, Ibn Taymiyyah rahimahullah, et la prière auprès d'elle est de ce registre. C'est-à-dire ceux qui les ont prises comme mosquées, endroit de prière. Et sa parole, et ce même s'ils n'y ont pas construit de mosquée, c'est-à-dire la prière auprès des tombes fait partie du fait de les prendre comme mosquées. Et ceux qui le font sont maudits, et ce même sans construire de mosquée. Et on vous rappelle que le mot masjid, il vient du mot sujoud. C'est-à-dire l'endroit où tu fais le sujoud, l'endroit où tu pries. Et sa parole, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il fut craint qu'elle, c'est-à-dire la tombe, soit prise comme mosquée, endroit de prière, c'est-à-dire le sens de la parole de Aïcha radiallahu anhu ardaha, au sujet de la raison de l'enterrement du prophète alayhi salatu wassalam dans sa demeure, et de ne pas l'enterrer dans une tombe en dehors de sa demeure. Et sa parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, les compagnons n'ont pas construit de mosquée autour de sa tombe, c'est-à-dire car ils connaissaient son insistance et sa sévérité à ce sujet, et qu'il a maudit ceux qui le feraient. Et donc le sens voulu est l'interdiction de prier auprès de la tombe. Et sa parole à Ibn Taymiyyah toujours, et chaque endroit où l'intention est de prier est prêt comme mosquée. En raison du fait, il explique sur le Fawzan, hafidhahullah, en raison du fait qu'il a été préparé, cet endroit, pour la prière, et ce même s'il n'y a pas de construction. Donc il a été pris pour la prière, même s'il n'y a pas de construction. Et sa parole, Ibn Taymiyyah toujours, mais de plus, tout endroit où on prie est appelé mosquée. C'est-à-dire, et ce même si l'intention de la prière n'est pas de manière spécifique pour cet endroit, mais que la prière est simplement accomplie lorsque cela arrive et que le temps de la prière est arrivé à cet endroit. C'est-à-dire qu'on ne prie pas parce que c'est cet endroit-là de manière spécifique, mais quelqu'un pourrait prier une prière parce que c'est l'heure, mais à cet endroit-là. Et sa parole, Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme il a dit, la terre m'a été, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre m'a été donnée comme lieu de prière et comme lieu pur. Il a voulu par cela une argumentation pour la phrase qui a précédé lorsqu'il a appelé la terre dans ce hadith mosquée. La prière y étant autorisée à tout endroit de la terre, à l'exception de ceux au sujet duquel il y a une preuve. Pour que vous compreniez ça, il a dit ici, وَكُلُّ مُوضِعٍ يُصَلَّ فِيهِ يُسَمَّ مَجِّدًا. Pour que vous compreniez bien, en fait, pour que nous comprenions bien, que tout endroit dans lequel où on prie est appelé mosquée, même s'il n'y a pas de mosquée construite, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a rapporté un hadith comme preuve de cela. Il a dit comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. La terre m'a été rendue comme, littéralement ça va être une mosquée, mais vous comprenez bien que ce n'est pas le mosquée dans le sens de construction, c'est comme endroit de prière. Vous savez très bien que toute la terre n'est pas une mosquée. Hein? Mais par contre on peut prier partout, sur toute la terre. Sauf, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, sauf les endroits qui ont été sorti de cette généralité par le dalil. Donc il dit, ju'ilatil ardu majidan wa tahura, la terre m'a été rendue comme un endroit de prière, comme un lieu de prière si vous voulez, ici littéralement mosquée, et comme lieu pur. D'accord? On continue dans le matn. Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, wa li ahmada bi sanadin jayyidin 'an ibn Mas'udin رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه. ici le hadith akhrajahu Ahmed fi musnadih wa sahih Ibn Hibban fi sahihih. L'auteur qu'il fasse miséricorde, il dit, et d'après Ahmed, avec une bonne chaîne de transmission, d'après Ibn Mas'ud qu'elle a l'agré, qui attribue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, il y a parmi les pires des gens ceux qui seront atteints par la dernière heure alors qu'ils sont vivants, et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, c'est-à-dire comme mosquée. Et quand on dit ici Ahmed, c'est Ahmed ibn Hanbal rahimahullah bien sûr, et Abu Hatim l'a rapporté dans son authentique. On a l'explication de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il explique les termes, il dit shirarun nas bi kasri shin jam'u shar. Ici, par rapport au pluriel, shirar, c'est-à-dire les pires des gens. Et il dit, من تدركهم الساعة أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. Ceux qui seront atteints par la dernière heure, c'est-à-dire que ceux qui seront là quand la dernière heure arrivera, c'est-à-dire ces prémices, comme la sortie de la bête, الدابة, et le lever du soleil à partir de son couchant. يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها. ils prennent les tombes comme lieu de prière, encore une fois littéralement comme mosquée. C'est-à-dire qu'ils prient auprès d'elles et vers elles. Le معنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith, يخبر صلى الله عليه وسلم عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أنهم شرار الناس ومنهم الذين يصلون عند القبور وإليها ويبنون عليها القباب وهذا تحذير لأمته أن تفعل مع قبور نبيهم وصالحيهم مثل فعل هؤلاء الأشرار. Le sens général du hadith, il informe صلى الله عليه وسلم au sujet de ceux qui seront présents lors de la dernière heure, alors qu'ils sont vivants, et qu'ils sont les pires des gens, et parmi eux ceux qui prient auprès des tombes, et vers elles, et construisent sur elles des mausolées. Et ceci est une mise en garde à sa communauté de ne pas faire avec la tombe de leurs prophètes et les tombes de leurs vertueux, comme ce qu'ont fait ces pires gens. Munasabatu al-hadith lil-bab, le rapport entre le hadith et le chapitre. أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحتها ويتبرك بها لأنه ذريعة إلى الشرك. Le rapport entre le hadith et le chapitre, il y a dans ce hadith la mise en garde contre le fait de prendre les tombes comme lieu de prière, où on prie sur leurs esplanades, et de chercher la bénédiction auprès des tombes, car c'est une voie qui amène à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que l'on tire comme enseignement de ce hadith, ma yustafadu min al-hadith, awwalan, at-tahdhiru 'an as-salati 'inda al-qubur, li'annahu wasilatun ila ash-shirk. La mise en garde contre le fait de prier auprès des tombes, car c'est une voie qui amène à l'association à Allah. Deuxième enseignement, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajida lis-salah fiha fa huwa min shirar al-khalq wa in kana qasduhu at-taqarruba ila Allah. Le deuxième enseignement tiré de ce hadith, celui qui prend les tombes des vertueux comme lieu de prière fait partie des pires des gens, et ce même si son but est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, anna as-sa'ata taqumu 'ala shirar an-nas. Troisièmement, la dernière heure sera établie sur les pires des gens. Rabi'an, at-tahdhiru 'an ash-shirk wa wasa'ilihi wa ma yuqarribu ilayhi. Quatrième enseignement, la mise en garde contre l'association à Allah et ses voies, et ceux qui en rapprochent, et ce quelle que soit l'intention de celui qui prend ses voies. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, on continue dans le matin et on ouvre un nouveau chapitre. Il dit, Bab, ma ja'a an al-ghulu fi qubur al-salihin yusayyurha awthanan tu'badu min dunillah. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخرجه مالك في موطئه وأحمد في مسنده. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, c'est un nouveau chapitre, chapitre de ce qui a été rapporté sur le fait que l'exagération envers les vertueux en fait des idoles adorées en dehors d'Allah. Malik a rapporté dans le Muwatta que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ô Allah, fais que ma tombe ne devienne pas une idole adorée. La colère d'Allah s'est faite sévère, c'est-à-dire s'est accrue, envers des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. » Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il explique ce hadith en disant Munasabatul bab li kitab al-tawhid. D'ailleurs, avant de parler du hadith, il parle du chapitre. Il dit le rapport entre le chapitre et le livre de lucité. Anna al-munsannif rahimahullah lamma haddara fi al-bab alladhi qablahu min al-ghulu fi as-salihin arada an yubayyin fi hadha al-bab anna al-ghulu fi al-qubur wasila ila ash-shirk al-mudad lit-tawhid wa dhalika bi'ibadati al-amwat. Il dit le rapport entre le chapitre et le livre de nécessité. Ça, il faut comprendre comment les chapitres sont articulés les uns avec les autres. Et c'est pour ça que Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il dit toujours le rapport entre le chapitre et les autres chapitres de Kitab Tawhid, ou le chapitre et le livre de nécessité, dont c'est une partie, et comment elles s'articulent dans ce livre. Et aussi après, dans les chapitres, comment chaque preuve ou comment chaque preuve a un rapport avec le chapitre. Et donc il dit le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme il a mis en garde dans le chapitre précédent contre l'exagération envers les vertueux, il a voulu clarifier dans ce chapitre que l'exagération envers les tombes est une voie de l'association à Allah, qui s'oppose à l'unicité, et ce en adorant les morts. Comme il a également voulu mettre en garde contre l'exagération envers les tombes. Une biographie de l'imam Malik, rahimahullah, tarjamatul imam Malik. Huwa l'imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, imam Dar al-Hijra, wa ahad al-a'imat al-arba'a, tufiya sanat 79 ba'da 100 hijriya, rahimahullahu ta'ala. La biographie de l'imam Malik, c'est Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, l'imam de la ville d'émigration, c'est-à-dire de l'Égypte, c'est-à-dire Dar al-Hijra, c'est Medina. Et l'un des quatre imams, il est décédé en l'an 79 de l'Égypte, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde. Puis il explique les termes, le hadith ici, il dit Allahumma, munada mebni ala dham fi mahali nasbin, wal mimu al mushaddatu za'ida. Donc ici, c'est encore lié encore une fois au cours de l'Azromia. Ça, on va pas traduire, il n'y a pas vraiment de. Si vous voulez qu'on commence à parler de hein, d'accusatif et de nominatif, etc. À la kulli hal, faut apprendre l'arabe. Et il dit وثنا هو المعبود الذي لا صورة له كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها. Il dit وثنا, que nous traduisons ici par idole. C'est important de comprendre la différence entre وثن et sanam. Vous vous souvenez, sanam que nous traduisons en général par statue parce que c'est plus représentatif comme une image, etc. Il dit c'est l'adoré qui n'a pas d'image, comme les tombes par exemple, les arbres, les piliers, les murs, les pierres, etc. Ça, toutes ces choses-là, si elles sont en dehors d'Allah, on les appelle awthan. D'accord ? Le sens général du hadith. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Khafa sallallahu alayhi wa sallam an yaqa'a fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a min al-yahud wa al-nasara ma'a quburi anbiya'ihim min al-ghuluwi fiha hatta sarat awthanan. فرغب إلى ربه ألا يجعل قبره كذلك ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى أنه ما فعلوا في حق قبور الأنبياء حتى سيروها أوثانا تعبد فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. Le sens général du hadith est le suivant. Il a eu peur, صلى الله عليه وسلم, qu'arrive dans sa communauté avec sa tombe ce qui est arrivé aux juifs et aux chrétiens avec les tombes de leurs prophètes, en termes d'exagération envers elles, à tel point qu'elles sont devenues des idoles. Et donc, il a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, à son Seigneur qu'il fasse que cela n'arrive pas à sa tombe. Puis il a attiré, sallallahu alayhi wa sallam, l'attention sur la raison qui a fait que les juifs et les chrétiens ont été touchés par la sévérité de la colère et de la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'ils ont fait quant aux tombes de leurs prophètes. C'est ce qu'ils en fassent des idoles qui sont adorées. Et ils sont tombés dans l'association à Allah très grave qui s'oppose à l'unicité. مناسبة الحديث للباب أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وبين ذلك بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Le rapport entre le hadith et le chapitre, c'est que l'exagération envers les tombes en fait des idoles adorées, car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Oh Allah, fais que ma tombe ne devienne pas une idole adorée. Et il a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam, cela par sa parole. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ce que l'on tire comme enseignement de ce hadith, ma yustafadu min al-hadith, an al-ghuluwa fi qubur al-anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad. Le premier enseignement, c'est l'exagération envers les tombes des prophètes en fait des idoles adorées. Deuxième point, anna min al-ghuluwa fi al-qubur ittikhadaha masajid, wa hada yu'addi ila al-shirk. Prendre les tombes des prophètes comme lieu de prière fait partie de l'exagération envers elles, c'est-à-dire les tombes, et cela amène à l'association à Allah. Thalithan, ithbatu ittisafi Allah subhanahu bil ghadabi ala ma yaliqu bi jalalihi. L'affirmation à Allah de cet attribut de colère, si vous voulez, de la manière qui sied à sa majesté, bien sûr. Subhanahu wa ta'ala. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. Le tort qu'Allah lui fasse miséricorde, cher l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il continue son livre en disant et chez Ibn Jarir avec sa chaîne de transmission, d'après Soufiane, d'après Mansour, d'après Mujahid. Au sujet de la parole d'Allah dont la traduction du sens est que vous ensemble des divinités Lat, Al-Uzza, Surat Najm, verset 19, il dit il leur mélangeait, c'est-à-dire que c'est qui parle ici? C'est Mujahid. Hein? Mujahid, c'est l'élève. Ibn Abbas, hein, surtout dans le tafsir. Il leur mélangeait du sawiq avec du beurre fondu et il mourut. Et donc ils ont stationné auprès de sa tombe. Et Abu al-Jawza a rapporté de même d'Ibn Abbas, c'est-à-dire le même tafsir du verset de Surat Najm. Il mélangeait le sawiq pour les pèlerins. C'est quoi ce sawiq? Uthaymin, rahimahullah, il explique dans le Qul Mufid, Sharh Kitab al-Tawhid, en disant c'est un aliment préparé à la base d'orge grillée, broyée et mélangée à de la pâte de date. Donc, si vous voulez une référence, volume 1, page 548 de Qul Mufid de Sheikh Al-Uthaymin. L'explication de Sheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, At-Tarajum, les biographies, parce qu'il a cité plusieurs noms ici, Sheikh l'Islam, Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah. Le premier, Ibn Jarir, huwa l'imam al-Hafid, Mohamed ibn Jarir al-Tabari, sahib al-Tafsir, mata sana, 10 ba'da 300 hijriya, rahimahullah ta'ala. Ibn Jarir, c'est l'imam, le Hafid, Mohamed ibn Jarir al-Tabari. Vous entendez souvent le mashaykh parler de Tafsir ibn Jarir. Ben c'est de lui, c'est lui l'auteur. Celui qui écrit l'exégèse d'Ibn Jarir, c'est ce qu'on appelle Ibn Jarir, décédé en l'an 310 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. D'ailleurs, si vous voulez un tars qui est très complet sur les différents genres de tafsir, comment étudier le tafsir, les différents livres de tafsir, quelle est la différence entre ces livres, etc. Il y a un très bon dars, je pense en deux audios si je ne me trompe pas, de Cheikh Azdin Ramadani. Cheikh Azdin Ramadani, que vous pouvez trouver assez facilement sur internet. Et Cheikh Azdin Ramadani, il a beaucoup de... Il donne beaucoup d'importance au tafsir. Il a beaucoup de... Il y a des études dans le tafsir et de recherche. Et d'ailleurs, il collectionne, il essaie de retrouver le maximum de tafsir du Coran. Et il parle justement de tafsir Bujari, il l'explique, etc. على كل حال سفيان الأظهر أنه سفيان بن سعيد الثوري إمام حجة عابد متى سنة واحدة بعد ستين بعد واحدة وستين بعد مئة هجرية رحمه الله تعالى سفيان سكي سكي plus apparent c'est que c'est سفيان بن سعيد الثوري celui que vous connaissez comme سفيان الثوري إمام حجة un adorateur décédé en l'an 161 de l'Hégire qu'Allah lui fasse miséricorde. منصور هو ابن المعتمر ثقة فقيه مات سنة 32 بعد 100 هجرية رحمه الله تعالى منصور سيكي سي ابن المعتمر دين دو كونفيانس جوريس كونسولت ديسيدي اون 132 دو ليجير كالا لي فاس ميزيكون مجاهد هو ابن جبر او ابن جبر ثقة إمام في التفسير أخذ عن ابن عباس وغيره مات سنة 4 بعد 100 رحمه الله تعالى مجاهد سي ابن جبرين أو جابرين دين دو كونفيانس إمام دو لكزيجيز إلى أبخي ابن عباس et d'autres décédé en l'an 104 de l'Hégire qu'à la lui fasse miséricorde أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي ثقه مشهور مات سنه 83 هجريه رحمه الله ابو الجوزاء اوس بن عبد الله الربعي دين دو كونفيونس سيليبر ديسيدي ان 83 دو ليجير قال لي فاس ميزيكان نو il s'attache au mot de vocabulaire il dit يلت السويق اي يخلطه بسمن ونحوه يلت c'est un verbe c'est-à-dire il mélange le sawiq on a déjà défini c'est quoi le sawiq à du beurre fondu ou autre chose similaire. عكفوا على قبره أقبلوا وواظبوا واحتبسوا عليه. عكفوا على قبره. Ils ont stationné auprès de sa tombe. Ils ont été réguliers et constants et ils s'y sont consacrés. مناسبة الأثر للباب. C'est-à-dire l'athar de Mujahid qui explique le verset de Surat Najm. Et Abu al-Jawza il a rapporté aussi un tafsir similaire de Ibn Abbas radiallahu anhum. Il dit, Cheikh, حفظه الله تعالى, أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. Le rapport entre l'athar et le chapitre, pourquoi il a cité ce athar dans ce chapitre, est que la cause de l'adoration de Lat est l'exagération envers sa tombe, jusqu'à ce qu'il devienne une idole adorée. Puis l'auteur, il continue en disant, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Et en fait, le hadith أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après ابن عباس, qu'Allah les agrée tous les deux, a dit, qui a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a maudit celles qui visitent les tombes et ceux qui les prennent comme lieu de prière et y placent des lampes. Rapporté par les gens des Sunan. Les gens des Sunan, c'est Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah. Mais en fait, ici, Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer qu'il n'a pas été rapporté par Nasa'i. Il est rapporté par Al-Sunan, sauf Nasa'i. Al-Sunan, ay Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, wa lam yarwihi Nasa'i. Ce qu'il explique Cheikh Al-Fawzan ici, les gens des Sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, elle n'a pas été rapportée par An-Nasa'i. D'ailleurs, le Mashiach qui rapporte ses livres, il rapporte en général dans cet ordre-là. Abu Daoud, puis Tirmidhi, puis An-Nasa'i, puis Ibn Majah. Il y a une raison à ça. On n'a pas le temps de discuter de ça ici, mais il y a une raison à ça. Za'irat al-Qubur, ay min al-Nisa. Za'irat al-Qubur, celle qui visite les tombes, c'est-à-dire parmi les femmes. السروج أي الذين يوقدون السروج على المقابر ويضيئونها والسروج c'est-à-dire ceux qui allument des lampes sur les tombes et les illuminent. Le sens général du hadith, معنى الحديث إجمالا, يدعو صلى الله عليه وسلم باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يزرن القبور لأن زيارتهن يترتب عليها مفاسد من النياحة والجزع وافتتان الرجال بهن ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة ويضيئونها بالسرج والقناديل لأن هذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها. Le sens général de ce hadith, que le hadith ibn Abbas رضي الله عنهما, rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi et Ibn Majah et Ahmed dans son Musnad, il invoque صلى الله عليه وسلم par la malédiction, qui est le repoussement et l'éloignement de sa miséricorde. Il invoque sallallahu alayhi wa sallam, par la malédiction qui est le repoussement et l'éloignement des femmes qui visitent les tombes de la miséricorde d'Allah, car résultent de leur visite des maux en termes de lamentation et d'émotions violentes, et que les hommes soient éprouvés par elles. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit ceux qui prennent les tombes comme lieu d'adoration. Vous voyez le rapport de ce hadith par rapport au chapitre. Et les illumine au moyen de lampes et de petites lampes portatives, qanadil, car c'est une exagération envers elle et une cause d'adoration, d'association à Allah pour ceux qui font cela. Maintenant, il va expliquer justement ce rapport entre le hadith et le chapitre. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم الغلو في القبور لأن ذلك يسيرها أوثانا تعبد. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il indique le caractère illicite de l'exagération envers les tombes, car cela en fait des idoles adorées. ما يستفاد من الحديث ce que l'on tire comme enseignement du hadith. أولا الفائدة الأولى تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة لأنه يفضي إلى الشرك. Premièrement, le caractère illicite de l'exagération envers les tombes en les prenant comme endroit d'adoration, car cela amène à l'association à Allah. ثانيا تحريم تنوير المقابر لأن ذلك وسيلة لعبادتها. Deuxième enseignement tiré de ce hadith, le caractère illicite d'illuminer les tombes, car cela est une voie vers leur adoration. Troisième point, l'exagération envers les tombes fait partie des grands péchés. Rabi'an wa akhiran, anna illat an-nahi 'an as-salati 'inda al-qubur hiya khawf ash-shirk, la li ajli an-najasa, li'anna ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam qarana bayna ittikhadhiha masajid wa israjiha. ولعن الأمرين وليس اللعن على إسراجها من أجل النجاسة فكاد الصلاة عندها. Le motif de l'interdiction de prier auprès des tombes est la peur de l'association à Allah. D'accord ? Et pas pour motif d'impureté. Car le messager, regardez comment Cheikh, si quelqu'un venait à dire ça, comment Cheikh réfute ça ? Il dit car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a joint le fait de les prendre comme lieu de prière et le fait de les illuminer. Il a maudit les deux. Et la malédiction en raison du fait de les illuminer n'est pas en raison de l'impureté. Et donc de même pour le fait de prier auprès des tombes. D'accord ? Avec ça, on a fini le dars d'aujourd'hui. J'essaie de faire des dars assez courts parce que ça me prend du temps déjà de les préparer. Mais deuxièmement aussi, pour pas que ce soit trop dur à digérer pour les gens, pour que les gens puissent avancer dans le matin, etc. À la kulli hal. Et si vous voulez rester un peu, on peut discuter certains points. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mais si le frère il peut éteindre la radio, ça m'arrangerait.